70 et 10 pour 100 pour 100. J'aurais du classe à gueule moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70 et 10 pour 100 pour 100. 70 et 10 pour 100 pour 100. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Même la diligence est grandeur nain, c'est fabuleux. Oui, puis de temps en temps, des fois, il y avait des. Comme il y avait des shots qui étaient plus difficiles à faire, des shots de cascade, puis tout ça, je trouvais que c'était difficile de trouver. Les bandes tirées roses, c'était difficile de trouver des cascadeurs nains, fait qu'ils ont filmé de plus loin avec des grandes personnes. OK. On est supposé croire que c'est les mêmes comédiens, mais en midget. Toutes les trucs qui ont été réutilisés pour faire Lord of the Ring étaient déjà utilisés par les nains pour paraître. Enfin, ils ont juste enlevé les pieds. Et ouais. Aïe, aïe. Ils n'ont pas trouvé de bande de cowboys assez grande, ils les ont enlevés, puis ça a fait le Terror of Tiny Town. Terror of Tiny Town 1938, ça a l'air fabuleux. On est en studio à 70% à douteux.tv. Très, très content d'avoir un invité avec nous, quelqu'un de spécial et d'unique, c'est-à-dire Sylvain Bell, SV Bell, ZV. Ah ouais, je t'appelle ZV depuis le... Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est ça, vous pouvez cracher vos dents, il n'y a pas de problème, je suis habitué, je les pogne, puis... Excellent. Ouais. Et puis, j'ai ma coiffeuse préférée, Caroline, du Spa Poilu, qui est en train de me faire une coupe qui va m'aider avec les dames. Donc, si vous avez une bébite à poil, si ça marche avec moi, imaginez ce qu'elle peut faire avec quelque chose qui écoute. Hey! Là-dessus... SV, j'aimerais profiter du fait qu'il y a quand même beaucoup de gens et tout, et je veux faire ça officiel. Je te remercie bien gros, mon gars. Parce que, v'là 2 ans, quand on a fait le Geek Fest, je sais pas si tu te rappelles, ouais, on était en face de toi, puis je leur avais demandé une place sur le bord du mur pour faire des projections, puis ils nous l'ont pas laissé. Je suis allé voir monsieur-là, j'ai demandé, est-ce qu'on pourrait avoir votre place pour faire des projections? Puis il a dit, avec plaisir. Avec plaisir, c'est donc, sincère à part de ça. Et voilà, ah, puis c'est génial ça. Caroline, tu voulais poser une question à notre invité. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ce que je fais dans la vie, oh my God, c'est quasiment plus facile de dire qu'est-ce que je fais pas. Oh, c'est apprécié. Ah ouais, non, regarde, moi je travaille à peu près partout. Bon, c'est ça, je gère mon poste de télévision quand même. C'est ça, j'avoue qu'on va en parler beaucoup au fil de l'entrevue de Black Flag TV. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, par-dessus ça, ben, je fais du graphisme, je fais de l'illustration, je fais un petit peu d'animation, mais là, je laisse ça à des gens qui sont plus compétents que moi là-dedans. Là, OK. Avec des années, tu sais, c'est là, je me suis comme tranquillement retiré pour me consacrer plus au live action, faire des films, puis tout ça. Oh boy! Puis, toi, t'es cinéaste aussi dans la chose. Toi, tu dis tu fais des animations, ouais. Tu fais des animations qui deviennent des films. Ouais, c'est sûr. Ben, j'ai commencé pas mal avec ça en animation. On parle en 95-96 à peu près. Là, ah, dans, ça prestit! Ouais, c'est ça. C'était comme... Là, c'était encore vraiment les débuts. Il y avait quand même... c'était pas tout le monde qui faisait ça à pige, tu sais, comme telle l'animation 3D. Ouais, ouais, ouais. Puis, parce que ça coûtait quand même assez cher à cette époque-là. Tu sais, c'était le temps parce que, tu vois, Softimage... Et toi, Montréal, en 95, tu t'es trouvé une niche. Ouais, c'est ça. J'ai commencé tranquillement. Je travaillais pour une petite boîte de communication. On faisait de la publicité, surtout du doublage de publicité. Tu sais, des pubs tournées au Mexique. OK. Pour le marché américain qui s'en viennent au Canada. Les emballages sont pas pareils. C'est des emballages, ça prenait des emballages en français. Et voilà. Ouais, ouais. Fait que nous autres, on traduisait les emballages, puis on les mappait par-dessus le live footage qui venait du Mexique. OK. Fait que, en tout cas, c'était comme un genre de gros patchwork, là. Mais oh, quand boy, ça passait à la TV, il fallait que ça a l'air vrai. Fallait, moi, ouais, que ça a l'air. Je comprends. Ça a créé travail. Pareil, ça, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu vois, j'ai pas mal commencé de même. Je faisais de l'animation 3D. J'ai commencé à faire du vidéoclip aussi. OK. Parce qu'à l'époque, en plus, que je faisais pas mal des illustrations des pochettes de disques qui avaient métal. Puis je travaillais pour un record label qui était en Allemagne. Puis je travaillais pour des bandes de Montréal, mais la compagnie est en Allemagne. Tu sais, regarde. Ça m'a le village est une planète. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas d'hier, là. Non, ouais, international. Et puis, ça vient d'où, ça, l'idée de Black Flag TV? Ça s'est imposé au fil du temps? Ouais, c'est ça. Ça a fait son chemin de même tranquillement. Bon, tu vois, j'ai commencé, je faisais des illustrations des compagnies de disques. Après ça, j'ai commencé des vidéoclips. Par des vidéoclips, je me suis en allé vers des courts-métrages. Ensuite, du long-métrage, là, j'avais ma compagnie de production de films. J'ai commencé à distribuer aussi des DVD. OK. Puis, là, le DVD, depuis 2005-2006, ça a commencé à ralentir. Ah, ben oui, c'est... Par exemple, Club Vidéo, hein? Ah, ben c'est difficile, surtout, de fermer. Ben oui, c'est ça. On laisse des messages, ils répondent pas. Ils répondent pas, tu sais. Et puis, est-ce que t'as réussi aussi à trouver ta niche à toi dans ce que tu diffuses à Black Flag TV? Ouais, c'est ça. Ben, vu que le DVD, c'était difficile, c'est là que j'ai commencé à penser comme, peut-être le diffuser sur Internet, un site de VOD, où les gens peuvent commander des vidéos. Mais là, je me disais, il y a déjà comme des centaines de sites, des milliers de sites qui font ça. Moi, je voulais avoir de quoi quand même, tu sais, d'aller un petit peu plus loin que ça ou de quoi de différent. Puis là, ben, j'ai pensé, hey, de la bonne vieille télévision, tu sais, que tu peux pas changer de poste, que tu peux pas changer la programmation, que tu regardes, puis tu regardes qu'est-ce qu'ils jouent, tu sais. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est différent, là. Fait que, tu sais, ça a fallu que je me monte un genre de setup de système, justement, de programmation pour avoir des films qui partent à des heures fixes. Puis que, je te dirais, c'est rendu notre problème, nous, là. On est encore sur une playlist sur Shuffle, là. Ouais, non, c'est mais ça. C'est plus fun pour l'auditeur que. Oui, je comprends. Ouais, sinon, ben, merci de continuer. Ben, en fait, ça fait comme un fil de fer dans l'idée de changer les gens de consommer de la TV via le câble ou via la traditionnelle TV pour amener les gens sur Internet un petit peu. C'est important de commencer à quelque part. Je te reconnais comme quelqu'un qui a commencé. Hey, on pense qu'on a commencé ça tôt, nous autres. Puis lui, ça fait 5-6 ans que Black Flag, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans. OK. Ouais, ça fait 3 ans. Puis même, je dirais, il y a officiellement public, ça fait 2 ans. Là. OK. La première année, ça a été bien du. Tu sais, j'avais bien du downtime, j'avais bien des affaires qui ne marchaient pas. Ça a fallu que je monte tout à partir de zéro. Là, t'sais, même encore aujourd'hui, il n'y a pas de système de programmation clé en main. Ah, c'est sûr. C'est pas facile. Fait que je l'ai tout monté vraiment à partir de zéro. Black Flag TV, d'ailleurs, il roule à partir d'une feuille, une base de données Excel. Là, okay. Tout est programmé là-dedans, puis tout se fait à mitaine. Puis il a fallu vraiment que je l'assemble à partir de zéro. J'ai regardé, puis tout ça, je me suis adressé à des gros fournisseurs qui pouvaient me le faire, mais regarde, ça me coûtait 25 000 $ par mois. Je suis pas un gros... Fait que d'ici eux autres peuvent le faire, il va y avoir moyen de le faire de façon microscopique. Là. Fait que c'est pas mal ça que j'ai. C'est ça, la première année, j'ai pas mal de gossé là-dessus, essayer de trouver 50 façons. Une façon, parce que toi, dans le fond, t'es comme. Tu dis que c'est Black Flag, c'est ton idée, mais t'es le seul à t'en occuper. C'est chez toi, ça diffuse depuis chez toi. Ouais, c'est ça. Puis on est deux personnes quand même à s'en occuper, juste pour être sûr que si jamais moi je suis pas disponible, ben j'ai un de mes chums aussi qui a des accès à tout le système. Fait que lui, il peut se connecter n'importe quand chez nous pour rebooter le système à distance. C'est une bonne idée de pas. Parce que bravo, là, quel beau projet. Mettons, parle-moi de 3 films que vous diffusez souvent sur Black Flag. Est-ce que c'est surtout des films, des émissions de TV? Tu disais tantôt que c'était un petit peu comme la TV. Parle-moi dans le fond d'une programmation. Demain, c'est quoi qu'il y a? C'est une bonne question. Parce que je vais te dire, pendant plusieurs années, tu vois, je faisais vraiment une programmation. Pas mal des films indépendants, des courts-métrages, longs-métrages. Puis j'ai aussi des films de domaine public. OK. Je passe là-dedans des vieux films de science-fiction. Avant ça, c'est que je me faisais un horaire pour une semaine complète. Okay. OK. Puis là, ben, les gens regardaient ça, ils se collectaient, ils regardaient l'horaire, puis tout ça, ce qui joue cette semaine, puis tout était bien cool. Mais là, je me suis ramassé avec un problème où ce qu'il y a des gens, ben, j'ai beaucoup de gens qui regardent ça à l'extérieur du Canada, à l'extérieur des États-Unis, il y a des gens du Portugal, je ne sais pas pourquoi, c'est ma troisième clientèle au Portugal. Nous, on pogne au Japon tranquillement, puis on se demande pourquoi. Ben, tu sais, quand c'est intéressant, regarde, ça arrive. Ouais, puis, c'est ça, ça développe, mais... Ouais, mais c'est ça, c'est juste fini vite. C'était ben comme, oui, c'est ça, j'avais comme le problème, les gens, bon, ils disent, regardez tel film, ça a l'air intéressant, mais ça joue à des heures impossibles, ici, on peut pas le regarder ici à Osaka, puis on aimerait ça le voir. Ah. Moi, ça joue ici prime time, comme à 8 heures le soir, mais chez eux, ça donnait à 1 du matin, 2 heures. Et voilà, ouais, je comprends. Fait que c'est ça. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je bâtis des horaires de 27 heures. Au lieu de faire une semaine complète, je fais un horaire de 27 heures. Donc, c'est les mêmes films qui rejouent à tous les jours, décalés de 3 heures. Fait que des gens n'importe où sur la planète peuvent voir les films à une case horaire qui fait leur affaire quelque part dans la semaine. OK, j'aime fait ça. Moi aussi, parce que c'est bien plus simple à faire. puis en plus, tu as répondu à la demande. Ouais, ben c'est ça exactement. Fait que c'est bien plus simple pour moi. Comme tel, au niveau du streaming, puis tout ça, ça change absolument rien. OK. Mais de bâtir mes horaires, au lieu de me prendre 2 heures, mais tu sais, je peux faire ça facilement dans une demi-heure. Puis même sur un téléphone intelligent, vu que c'est une feuille Excel que tu updates dans le fond. Ouais, exactement. Man, ce gars-là, il est hot en sacrément. T'as fait ça chez vous, toi tout seul, parce que tu voulais diffuser des affaires ouais, que t'avais pas l'impression qu'il y en avait d'autres qui faisaient. Ah, exact. Moi, je suis bête à être dur. Quand tu me dis que ça marche pas, là. Tu voulais dire qu'il était hot. Ta maman doit être fière de toi. Ah, sûrement. Salut maman, parce que je suis sûr qu'elle regarde d'où tu es TG. La télé. Est-ce que tu as des choses en archive, sinon? Des choses en archive? Ouais, c'est du stream seulement, Black Flag TV. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Ça stream continuellement 24 heures. Allez checker ça, là, on insiste, ouais. Hein, parce que le but, c'est pas que le monde écoute douteux.tv. Le but, c'est que le monde arrête d'écouter la TV avec Denis Lévesque dedans. Entre autres. Ben Denis Lévesque, c'est du bon stock, c'est d'une couple d'années. à Total Crap, là, il y a des excellents segments. Oui, on l'aime bien gros, le mythe des femmes fontaines. Let's go, Denis Creuse. Bon, ben, sinon, c'est quoi qui s'en vient pour Black Flag TV ou pour Civ Bell? Ben, surtout, c'est... Ces derniers mois, je travaille pas mal sur... je suis revenu à mes premiers amours, vraiment, à faire de la bande dessinée. Oh! Ce qui m'a amené vraiment vers le cinéma, c'était la BD, carrément. Les années 80, je faisais de la BD, publié okay. dans plusieurs petits fanzines à l'époque. Puis tranquillement, bon, ben, mes cases, ça s'agrandissait. C'est devenu des illustrations, c'est devenu des pochettes de disques. Tranquillement, ça s'est transposé en vidéo. Puis là, moi, j'ai fait de mon chemin de main. Mais là, je suis vraiment revenu au début, là, comme à faire de la bande dessinée. Là, c'est le fun, je reste chez nous, puis, tu sais, j'ai... T'sais, je m'occupe de ma TV, je fais mes petits dessins, je sors mon langue de Chine, je cochonne partout, c'est bien le fun. J'aime ça. Ça fait changement, puis ça coûte moins cher faire des films. Là, ouais. Fait que, ma blonde est bien contente aussi, parce qu'à ce temps, je reste à la maison, puis je mets plus d'hypothèque à la maison. Fait que tout le monde trouve ça encore. Moi, j'ai bien du fun aussi. On vient de sortir, collègue. OK. Fait que c'est ça, on vient de sortir le premier numéro d'un comic qui s'appelle Silver Blood. Donc, c'est ça, c'est comme un genre de comique. On suit les aventures d'une fille, d'un genre de gothique, si on veut, qui a de la faculté de pouvoir donner une vie concrète à des rêves, des fantasmes et des cauchemars aussi, tout devant ensemble. Puis elle contrôle pas ça. Oh. C'est ça le problème. Elle peut être en train de jaser avec quelqu'un devant elle qui commence à se transformer en créature, n'importe quoi, mais là, faut qu'elle démolisse ça, ce monstre-là, mais ça vient d'elle, là, t'sais, c'est pas évident de combattre quelque chose que tu crées toi-même, là. Fait que c'est tout l'univers, vraiment, de Silver Bell. C'est assez David Lynch, là. On sait plus trop où se trouve la réalité, où se trouve le fantasme dans la tête du personnage. On sait pas s'il est psychotique ou... S'il va falloir qu'elle s'en occupe ou s'il va falloir qu'elle laisse aller aussi. Ouais, c'est ça, mais les possibilités sont comme infinies, là, t'sais, vraiment. Avec le personnage. Non, ben, merci beaucoup, en tout cas. C'est belle, moi, je le dis live devant tout le monde. Sûrement qu'on va t'inviter à venir faire le despot invité un dimanche, à un moment donné. Ça va être très plaisant de tenir au courant, ben, si. Ben, puis merci à vous autres, c'est super le fun de m'avoir invité. Ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi encore. Je vais avoir le dernier mot sur le merci, mon gars. Je suis de même. All right. Là-dessus, on va finir le petit clip que tu nous as amené. Puis merci aussi à Caroline Dispa Poilu. On déboule dans un 70% avec Mathieu Boudreau, Bruno Corbin, notre nouvel ami Giz. Plein de nouvelles toutes. Puis en plus, c'est futur Cops, le film. Très spécial à 70%. Merci. Merci, mec. C'est super. Are you all right, miss? I'm nearly frightened to death, but otherwise all right, thanks to you. You had a right to be scared. Nobody would have found that right a pleasure trip. Why, it's outrageous that a respectable citizen should be endangered like that. I'll see that something is done to put a stop to it. That's the way for a man to talk. I'll have the sheriff take you along when he goes after those outlaws. He needs more men like you. Lend me a hand with those fellas on top, and we'll take the stage on in. Someone will hang for this job. Pete in there was a good man and a good friend of mine. Maybe you'd rather ride on top with me. Yes, I would if you don't mind. I'm proud to have your company. Cowboy, climb aboard or we're gonna leave you. Hurry up! Car Buck Lawson. Do we stand for that? What do you think? I think we should send Babyface after him. Sure, boss. I'll make smoked beef out of him. Shut up. Take it easy, Babyface. He'll get his. Only we'll do it the smart way. We'll have those two outfits killing each other. It's about time we run off another bunch of stock. Don't you see the dynamite, you local maverick? I hear the stage was held up today, Sheriff. They didn't get anything, but they killed Pete and the Wells Fargo messenger. That's too bad. Sheriff, outlaws have been mighty busy around here of late, and I can't see where you've done much about it. You better not prod the sheriff, Buck. He might take an interest in all that gun smoke out your way. That ain't just according to law. Wait a minute, Buck. You're wrong, Bat. Any man's got a right to protect himself. Assurance dentaire. Ils vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils vont avoir besoin de broches. En plein dans le mille! Merci beaucoup, Carl. Tu viens juste d'interrompre le fil de mes pensées. Assurance dentaire! Ils savent avoir besoin de broches. Assurance dentaire! Ils savent avoir besoin de broches. Si on laisse tomber l'assurance dentaire, ça veut dire... que je vais être obligé de payer pour les broches! Bonsoir! Sur douteux.tv, les manchettes. On va faire des nouvelles, puis on va commencer tout de suite, parce que Tommy est en train de mettre mon indicatif au complet à toutes les émissions. Ouais. On va en parler à toutes les émissions. Fait que là, c'est cette émission-ci, j'ai décidé que je commençais à parler là. C'est bon, ça. J'aime ça, Bruno. Let's go. Amène-nous dans l'univers du vif du sujet. D'accord. Alors, on y va tout de suite. Après une décennie à souffrir de maux de tête, de rhumes fréquents et du problème mineur qu'est la perte de vue dans un œil, un homme afghan a fini par décider d'aller à l'hôpital. Sur place, les médecins ont découvert qu'il avait un crayon de poignée dans la tête. Ah, oh, sacrament. Hein? Le crayon était logé entre son sinus et son pharynx et avait fini par blesser son œil droit. L'homme affirme ne pas savoir comment le crayon a fini dans sa tête. C'est-tu sa face qu'on voit comme deuxième photo pour celui-là? Non, c'est pas sa face. Ok, non, parfait. C'est quelqu'un d'autre, ça. Il y a une photo. Il y a une nouvelle. Tu m'as dit qu'il y avait deux photos. Fait que, ouais, tiens, mais c'est pas celle-là. Tu vas voir. Ok, je te suis, man. Il est écrit. Ok, c'est bon. Alors, je continue. L'homme affirme ne pas savoir comment le crayon a fini dans sa tête, mais se rappelle une mauvaise chute quand il avait 9 ans. Il aurait simplement oublié le détail du crayon. Le crayon qui lui est rentré dans la tête. selon une théorie plus probable de Katie Weaver, journaliste pour Gawker, le crayon aurait toujours été là et l'homme a poussé autour. Hey, tu sais comment c'est dégueulasse la photo, mon gars. Les Simpsons l'ont fait, hein, ça, le crayon dans la ouais, tête. Ouais, mais c'est un crayon de tir, fait que ça, c'est comestible. C'est ça. Ah ouais. Oui, voilà. Aftab Aslam avait poché son cours d'anglais. Au lieu de l'annoncer à ses parents, il a décidé de s'auto-kidnapper pour éviter leur furie. Le garçon a acheté un cellulaire chez Target, a texté ses parents que leur fils avait été kidnappé et qu'il le tuerait si la police était appelée. Naturellement, les parents ont appelé la police quand même. Après 8 semaines de recherches infructueuses durant lesquelles le jeune campait dans une tente, il a commencé à faire fret. Et Aslam a décidé de retourner chez ses parents, n'abandonnant pas son histoire et affirmant qu'il avait été drogué. Et souhaitaient ainsi que le retour de leur fils leur fasse oublier sa mauvaise note. Loser. Il fait face à des accusations de fausses déclarations, falsification de preuves et menaces terroristes. Et de crise de cave. Let's go pour une autre, mais on n'en donne pas trop de l'attention à lui. Alors qu'il était victime d'un cambriolage, un homme non identifié de Houston au Texas a réussi à prendre le contrôle de la situation après que les voleurs l'aient enfermé dans son garde-robe sans savoir qu'il s'agissait de l'endroit où l'homme gardait tous ses guns. Ah, misère. L'homme a attendu que les voleurs quittent la pièce, pardon. Et comme dans tout bon film d'action, une scène d'équipement s'en suivit. Sorti du garde-robe, l'homme a commencé à tirer sur les voleurs en blessant un à la jambe. Les deux autres ont réussi à se sauver, mais c'est correct. Là, justice a été faite. Ouais, ben c'est comme le contraire de la nouvelle d'avant. Ouais, c'est ça, exactement. J'y vas-tu pour une autre? Ah ouais, mais en 2005. John Allison de Potsdam à New York était saoul et avait envie de viande séchée. Il s'est dirigé vers un supermarché et a décidé que la meilleure place pour mettre un pepperoni était sur son pénis exposé. L'homme a donc frotté le saucisson sur son affaire avant de le remettre sur la tablette, alors qu'un agent de sécurité le regardait. Il a été arrêté pour grossière indécence et pour méfait parce que semble-t-il que le morceau de saucisson a dû être jeté. Ah, misère, man. Calisse que ça va bien sur la planète. Là. Fait chier, let's go, une dernière pour ce bloc-ci. On va aller écouter une excellente tune après. D'accord. Alors, un homme de Cork en Irlande mangeait tranquillement son repas chez McDonald's quand il a décidé de s'asseoir dans la chaise haute destinée au bébé. Alors qu'il a réussi à facilement loger son derrière d'adulte dans la dite chaise, l'homme semble avoir eu plus de difficultés à se déprendre de son... Il y a une photo, il y a des secouristes. La police a donc été appelée pour aider l'homme à sortir de son pétrin. Au final, 3 policiers ont dû s'y mettre. L'alcool aurait été un facteur dans cette décision. L'alcool est un facteur dans 93% de tes nouvelles. Merci bien gros, Bruno. On plaisir. Poursuit l'émission avec une toune que j'ai découvert cette semaine grâce à Milan, qui est un proche collaborateur, bien sûr. Vous allez découvrir un rapper qui se veut albinos, mais ça n'excuse rien. Ah, on l'écoute pas jusqu'au bout, puis on vient avec Mathieu. Ladies and gentlemen, Check the track for my man Tiki. Les grands chanceliers, El Patita, Del Brigada, Akatike Boss, you win the battle. Manzaka Mankoy, El Scorsese, Louboutin, New York City. On dit que Mozart est mort, dès que l'ange ouvert mon frigo. Mozart est là, ton côté bestial. C'est qu'un festival, c'est qu'un festival. J'ai une force d'homme colossal. Est-ce à la PA, l'une cité plus brutale que le MMA, que le MMA. Est-ce à la PA, est-ce à la PA, l'une cité. Think about you in the battle, people hate me. Grand chancelier, Hell Patita, ah, Hell Patita, and Casanova. On dit que Mozart est mort, mais quand j'ouvre mon frigo, Mozart est là. On dit que Mozart est mort, mais quand j'ouvre mon frigo, Mozart est là. Mozart est là, Mozart est là, Mozart est là, Mozart est là, Mozart est là. Quand j'ouvre mon frigo, Mozart est là. On dit que Mozart est... Hey, salut! Salut Mathieu! Hey Colin, hein? J'ai entendu dire que ça allait bien pour toi cette semaine. Grosse semaine, grosse semaine. Je suis parti à la petite dérape. Mon père, il disait, hein, une de perdue, 10 de retrouvée. C'est pas la première fois que tu nous dis que ton père disait ça. Ben Chris, j'ai perdu ma job, puis je me suis tout de suite souvenu de 9 autres que j'avais perdu après. Non, mais tu fais des jeux. Puis comme t'es ex-BS niveau 6, est-ce que je te promeux BS niveau 10, mettons? Mais moi, chômeur niveau 1, ça... OK, c'est bon! ça fait déjà un bout, là, que je cumule les pertes d'emploi. Ça fait réfléchir, tu sais. Les seuls jobs que je suis capable de garder, c'est à contrat, puis ça implique de tuer, tu sais. Mais je te dirais pas qu'enlever la vie, c'est pas le fun, mais tous les criminels ont besoin d'un front, hein, Tommy? Oui, c'est... oui. Ma première job, c'était dans un stand à patates. J'avais été engagé chez Ginette, là. Par Ginette elle-même, tu sais. Puis, il faut dire que cette femme-là était tellement grosse qu'on la soupçonnait d'utiliser sa propre graisse comme huile à friteuse. Bon, moi, je ne l'ai jamais vue, mais quand même, notre slogan, hein, c'était quand même chez Ginette, une poignée d'amour dans chaque bouchée. Après ça, moi, j'ai été vendeur d'une boutique après ça, mais ça marchait pas. Moi, j'ai toujours eu de la misère à faire la distinction entre vente sous pression puis intimidation, tu sais. Puis, quelque part, tu sais, t'as un quota de vente, faut que tu l'atteignes, sinon t'es dehors. Fait que n'importe quel morceau de linge devient assez fabuleux sur un petit gros, tu sais. Aussi, ben pour moi, hein, pression, c'est automatiquement associé au principe attraction-répulsion. Tu sais, tu parles, je fesse. Tu sais. c'est d'ailleurs la maîtrise de ce principe-là là, qui m'a valu le prix Bolette Fist en 2004. au Psychopath Award. Tu sais, tu perds ta job, mais tu gagnes des trophées. Ouais. J'ai fait un peu de politique aussi... Ça, c'était plus dans mes cordes, par exemple. Un peu comme quand j'étais postier, tu sais. Je sais pas pourquoi, moi, j'ai toujours aimé ça, distribuer des enveloppes, hein. D'ailleurs, grâce à l'expérience acquise, hein, j'ai pu siéger au conseil d'administration de la SAQ, hein, en tant qu'expert en pot de vin. Puis, ce qui m'a valu le fameux trophée « Crosseur s'ayant le plus illustré dans son propre pays » au Economic Thief Award, hein. Ils sont en Floride, ceux-là. Écoute, ben, sérieux, celui-là, moi, j'étais content. Tu sais, tu gagnes des trophées, mais tu le fais pas pour ça, hein. Moi, quand je crosse, je m'investis émotivement, tu sais. Puis quand je vois que les crottés de la Terre, tu sais, le malfrat mondial me dit que je suis aussi sale que lui, Quelque part, j'ai le moton, Tommy. Oui. Le respect de ses pères, là. Un asti de moton, Tommy, parce que c'est-tu que l'argent rentre après ça? C'est payant, le crime. L'argent s'est mis à rentrer tellement cette année-là que j'ai pu m'ouvrir mon premier commerce, tu sais. Moi, dans ce temps-là, j'avais une passion pour les aiguilles. Les aiguilles. Fait que je m'étais dit, je vais vendre tout ce qui pique, tu sais. Fait que j'avais appelé ça la piquerie, tu sais. Écoute, de la seringue à la sauce barbecue en passant par les souliers d'escalade, n'importe, on l'avait, si. Puis là, on vendait du cure-dent à l'échelle mondiale. Le monde venait des États-Unis pour nos becs à glace, puis du Japon pour nos punaises de lit. C'était malade, esti. Puis là, rendu au sommet, j'ai tout vendu. Ah, avec le recul, c'était pas pour moi, ça, Tommy. J'étais devenu une célébrité. Dans le monde interlope, ça parlait juste de moi. Ouais. J'avais les plus belles femmes, la meilleure dope, un fucking château avec des piscines en cristal remplies de champagne, 4 équipes de football, 3 pays, 2 planètes, puis une souris verte. Il y avait trop de piquant dans ma vie, Tommy. T'avais besoin de te recentrer. Après la vente, j'ai passé 10 ans sans mescaline en plein désert du Mexique. Puis je suis revenu au pays. J'ai appris 2 choses. Je t'écoute, c'est très sérieux. Là. J'ai appris 2 choses, Tommy. 1, l'homme qui n'a rien à perdre peut résister à des doses de drogue assez impressionnantes et massives. Et 3? Puis 2, faut jamais que tu fasses confiance à un calinours dans le désert, parce que lui, là, c'est pas vraiment t'aider à survivre à une morsure de serpent. Lui, ce qu'il veut, là, c'est de voler ton eau, esti, pour tanker son esti de char en nuage, puis repartir en lançant des arcs-en-ciel tout seul, esti. Ils sont tous pareils. Toutes les calinours du désert sont pareils. En terminant, hein, bon, cette semaine, perdre ma job, ça m'a fait me dire, hein, laisse faire les morceaux de serpent, lâche ton attitude de marde, pis trouve-toi dans une job que t'aimes, sti, t'sais. Pis, quand la fille, elle m'a dit « Je t'aime, mais on vivra pas cet amour-là », ben, je me suis dit « L'amour à l'image d'une job, ça devrait pas accumuler les déceptions. » Merci Mathieu. Ça m'a fait plaisir. Je te souhaite une autre excellente journée. Peut-être le clip qu'on va aller écouter ici va te redonner un petit peu le sourire. Tu vas voir, c'est un clip intradiégétique qui est tiré du film de ce soir qui vient de Hong Kong en 1993. Merci tout le temps de ton concours, mon cher Boudreau. On est avec toi. Ouais. À 70% sur douteux.tv. La télé des 又再等，始终等你得到。想了再想，为你想了再想，多么想你知道。人躲进夜与雾，只想与你倾吐。我却找了再找，你叫我找了再找，总也难找到。来让我宣告。痴心熱烈程度，快快前來愛我吧，不要只顧說預告，其實你知道，一起就是最好，偏偏喜歡我才等得這麼苦惱。又再哭，为你哭，又再哭，当初只有苦恼。终有一天，自信总有一天，相亲相爱终老，行尽无限错路，始终也找得到。我的心，你的心，以两颗心过一生，未来同拥抱，来让我宣告。痴心熱烈程度，快快前來愛我吧，不要只顧說預告，其實你知道，一起就是最好，偏偏喜歡我才等得這麼苦惱。心有如孤島，四面 是浓雾，你若是明白，可否快快步到，等你来宣布，以后亦同步，爱情原是这样的美好。 希望大家睡觉好的呢。 Report. I mean, that... yeah, you're probably right, John. That's what I'm saying. Sorry, I was just thinking about that interview that Prince Harry cut short in Afghanistan when he suddenly had to go fly an Apache helicopter and shoot bad guys, John. Can we watch it again? Is there any way to watch it again? Of course we can. Roll it again. Assurance dentaire. Ils savent avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils savent avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils savent avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils savent avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils savent avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils savent avoir besoin de broches. Oh, plein dans le mille. Merci beaucoup, Carl. Tu viens juste d'interrompre le fil de mes pensées. Assurance dentaire. Ils savent avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils savent avoir besoin de broches. Si on laisse tomber l'assurance dentaire, ça veut dire que je vais être obligé de payer pour les broches! Hey, bonjour Tommy. Allô Giz, content de t'avoir avec nous à 70%. Ben, très content moi aussi. T'es-tu stressé? Ben, je suis pas stressé, en fait, je suis excité. Oh, yeah! Je pense que vous le savez tous, s'il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les jeux vidéo. Oui. Mais ce que j'aime encore plus, c'est quand nos valeureux Canadiens s'illustrent à l'étranger. Puis c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a une compagnie de cinéma canadienne qui ont obtenu les droits d'aller déterrer dans le Nouveau-Mexique un dépotoir. Pourquoi? Ooh. Pour trouver des copies de ce jeu de merde. E.T. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, dans les années 80, il y a eu un gros crash dans le vidéo. Dans le monde du jeu vidéo. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il est sorti des jeux tellement mauvais que l'industrie n'a pas réussi à s'en remettre. Ils ont fait plus de copies qu'il existait de consoles, ce qui est complètement absurde. Oui. Alors, j'aimerais ça, Tommy, qu'on regarde pour commencer. Pourquoi est-ce que le jeu Pac-Man, qui est un des deux jeux enterrés là-bas, est mauvais? Ah, avec plaisir. Alors, on va commencer par regarder la version qu'on a peut-être tous déjà vue dans un restaurant ou dans un vieux bar de quartier, qui est le standard Pac-Man. C'est beau. C'est vrai. C'est coloré. Oh ouais. C'est divertissant. Pas trop longtemps. Mais ça va, tu sais. Maintenant, voici la version du Atari. Ah, sacrament d'hostie, hein. Fait que c'est ça. Fait que voici une des raisons de pourquoi il y a eu un crash. Mais plus particulièrement à cause de E.T. L'historique de E.T. est quand même assez intéressant. Atari a acheté les droits pour faire un jeu, évidemment. Mais ils ont donné seulement 5 semaines à leur programmeur pour créer le jeu. Parce qu'ils voulaient que ça sorte à temps pour le commercialiser pour le temps des fêtes. Ils voulaient tellement que ça sorte à temps qu'ils n'ont pas pensé à lui demander d'en faire avant. Genre... Mais... Qu'est-ce qui est le plus ironique, c'est que l'auteur du jeu a rencontré Spielberg, puis il a parlé de son concept. Alors, ça va être un E.T. qui se promène, il faut qu'il ramasse des morceaux de téléphone, un peu RPG, aventure. Spielberg a dit, pourquoi à la place tu fais pas un jeu genre Pac-Man, ça pogne? Puis il est resté avec son idée, mais finalement ça a été quand même les deux plus gros flops. Pour ceux qui ont jamais vu ce jeu-là, Tommy, j'aimerais ça qu'on... Oui, avec plaisir. C'est quand même la première fois qu'on a fait du douteux, il y avait une épreuve, c'était si vous êtes capable de vous rendre à la fin à E.T., vous gagnez des points. Mais il y a personne qui était capable. C'est très, très, très spécial. J'ajouterais aussi qu'on avait une épreuve qu'il fallait jouer pendant 5 minutes au même jeu de Atari et que personne n'a été capable. C'est pas long, 5 minutes. Alors voilà, ça commence, E.T. arrive. Alors E.T., pour ceux qui savent pas c'est lequel, c'est le bonhomme qui bouge en ce moment. Donc, pas clair. Il peut lever sa tête, il peut tomber dans des trous. Alors, le but du jeu est de trouver des morceaux de téléphone pour que E.T. puisse réussir à retéléphoner à la maison sans se faire capturer par le scientifique curieux, ainsi que par les agents du gouvernement qui t'enlèvent ton précieux temps. En fait, le temps, c'est de l'énergie. Parce que E.T. a de l'énergie. Parce qu'après ça, t'sais, il est plus capable. Après, on a vu qu'il pouvait faire sa swing de coups pour deviner dans quel trou il y avait des affaires qui valent la peine. Ah, c'est quelqu'un de bon là, qui joue. Là. Oui, ben en fait, je suis allé chercher... c'est un de mes amis qui s'appelle... c'est mon ami en tabarnouche. Hein? Ce qui est le fun, c'est que je peux pas éditer ça au montage, sauf moi, oui. Alors, son nom, c'est Dark Evil 85. Lui, son fun, c'est justement de faire... Tu penses-tu que c'est son vrai nom? Sûrement. Okay. Sûrement. Si c'est sur les internets, c'est sûrement vrai. Je pense qu'on a pas... Non, on le finit, man. On le finit. Ouais, c'est une des seules fois de notre vie qu'on va peut-être voir quelqu'un se rendre à la fin à E.T. Là, on va faire ça ensemble. Mais tu sais, quand on regarde cette vidéo-là, ça a quand même l'air facile, mais c'est incompréhensible pour vrai. Ouais, il y a des flèches en haut. Moi, pourtant, j'aurais l'impression que c'est... Parce que si j'étais en train de jouer à ce jeu-là, j'aurais vraiment quoi faire, là. En tout cas, il vient de nous donner des indices. Là, il a décidé de plus bouger. Il est comme en train d'abuser du jeu. Là. Des fois, il y a des glitches de même. Faut juste que tu restes immobile. Là. Voilà, c'était d'affaire à ressortir lui. Non, mais toi, tu le sais pas, ça. Tu sais, on n'avait pas Internet dans le temps. Ah, ok. Là, il y avait les trois morceaux. Faut que tu restes assez longtemps dans cette. Et voilà, il y a le show. Hey, c'est-tu Elliot, ça? Je pense que oui. Donc, un jeu qui se vendait 50$ à l'époque. Non! Que quelqu'un vient de nous finir en deux petites minutes. Un jeu qui se vendait 50$ à l'époque avec l'inflation, ça doit bien être 90$ à peu près aujourd'hui. En tout cas, tu te fais fourrer solide. Ouais. Moi, j'ai payé le mien 5$ au marché aux puces Saint-Eustache. Avec l'inflation. Avec l'inflation. Donc, 25 cents dans le temps. Bon, oui, ben oui. Ça veut dire que c'est la fin de ta première chronique. Ben oui, écoute, moi, j'étais fier de notre entreprise canadienne qui a la chance d'aller déterrer pour voir si c'est vrai. Donc, ils vont faire un documentaire là-dessus, en fait, c'est ça? Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que Atari, vu qu'ils ont tellement pas vendu de copies, ben, ils en ont enterré des millions. Pour créer de la rareté, genre. Sinon, ils en donnaient à toutes les orphelinats, puis là, pourquoi que les gosses de riches s'en seraient achetés? De toute façon, est-ce que tu infligerais ça à des orphelins, toi, Tommy? Hein? Ils l'ont pas assez dur de même? Mais sérieusement, Tommy, je pense qu'il y en avait tellement qu'il en restait encore assez pour m'enterrer plein. Ok, c'est pas mêlant. Moi, je me suis fait une piscine que j'ai remplie de ça. Déjà que c'est un des jeux qui vaut le moins cher, il va valoir encore moins cher s'il est déterre. Et penses-tu qu'ils vont marcher encore? Peut-être qu'ils vont marcher, ils vont valoir plus cher. Peut-être pas. Atari, pour décourager les compagnies d'essayer d'aller creuser, ils ont dit: ah, mais nous, on les a broyés, puis après ça, on a mis une couche de. Comment t'appelles ça? Du topsoil? Ben ouais, on a mis plus d'argent là-dedans qu'il fallait. Tant qu'à faire faillite, c'est aussi. On fonce dans le mur, on y va à grand élan, mon gars. On dit-tu merci à Guiz là-dessus? Merci, Guiz. Ben, flash-nous un petit peu ton Atari, comme dans le temps. On le voit mal. Ah, mon Dieu. C'est parce que c'est fini bois. C'est important. Ça, c'est un 2600, ça? C'est un 2600 fini bois. Yes. Fini bois. Tout était fini bois. C'est un Beaver 2600. Parlant d'une époque révolue, là, moi j'aimerais qu'on écoute une chanson que j'ai de la difficulté à digérer. Et à mon sens, c'est une des plus belles choses qui a été faite par un Québécois de tous les temps. C'est bien sûr Accepterais-tu de Jacques Villeneuve. Merci beaucoup, Guiz, pour cette première. On t'attend la semaine prochaine pour encore plus. À 70%, on revient avec Bruno. Pour l'instant, l'île de Saint-Michel. Je ne donnerai jamais assez pour mériter ce que tu m'apportes. Je ne rendrai jamais assez service, je ne tiendrai jamais assez de port. Je sais, on n'avait pas toujours les quatre pieds sur terre. Mais avoue que notre courte histoire en aura déplacé de l'air. Non, ne t'en va pas maintenant, prends quelque temps pour y penser. Après on partira, ce sera comme tu veux, je ne te retiendrai pas. Mais avant de partir, avant d'en finir, accepterais-tu de m'épouser pour le souvenir, pour le passé? accepterais-tu de m'épouser? Je nous imaginais tellement ensemble jusqu'à la fin du monde. J'aurais dû profiter de chaque instant, j'aurais dû filmer chaque seconde. Mais je crois que je m'y étais habitué un peu avec le temps. Je l'avoue, j'y ai pensé moi aussi, un jour à foutre le camp. Non, ne t'en va pas maintenant, prends quelque temps pour y penser. Après on partira, tu seras comme tu veux, je ne te retiendrai pas. Mais avant de partir, avant d'en finir, accepterais-tu de m'épouser? Pour le souvenir, pour le passé, accepterais-tu de m'épouser? On est rendu au meilleur bout, là. Ah, on fera tout exactement comme tu le voulais. Ce sera parfait dans la chapelle au bout de l'île de Saint-Michel. Quand on passait devant, est-ce que tu te rappelles? Pour le souvenir, pour le passé, yeah. Accepterais-tu de m'épouser? Ah, Jacques Villeneuve. Là-dessus, on écoute deux clips tirés du film de ce soir. Vous allez voir de l'humour typiquement nippon ici. Il y a la mère d'un des personnages. C'est tellement épicé. Et là, il y a encore de l'humour de Beck ici. C'est très, très drôle. On est vers la fin. Plutôt Broom Man. D'accord, on retourne dans le monde merveilleux de l'actualité. Un homme de Taïwan qui avait passé la journée à boire s'est fait chicaner par sa blonde qui était tannée de vivre avec un saoulon. L'homme, irrité par ses disputes continuelles, a décidé de prendre les choses en main, a ramassé une paire de ciseaux et s'est dirigé vers la salle de bain où il a coupé son propre pénis et l'a flushé dans les toilettes. Vous remarquez ici que j'ai mis une banane comme photo. Ouais, c'est... Oui, parce que la semaine dernière, il y avait une histoire de banane qui avait servi de pénis. Fait que là, je me suis dit que j'allais faire comme un lien. Moi, je l'avais remarqué ton lien, Bruno. Donc, sa blonde a réussi à le transporter à l'hôpital avant qu'il ne meure au bout de son sang. Les médecins affirment qu'il n'aura pas de difficulté à pisser par les 3 cm qui lui restent. Tu vois, il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles. Après avoir dégrisé, l'homme a regretté son comportement. Selon un témoin, il était visiblement déçu de lui-même. Je pense que le ouais, non, bravo à lui. Oui. On y va avec une toute petite ici. Il n'a pas besoin de grand chose. Un Floridien s'est tiré dessus en jouant au bowling. L'homme s'apprêtait à lancer sa boule quand elle a frappé sa poche à gun, ce qui a enclenché le mécanisme du gun présent dans sa poche à gun. Hey, on ne craint pas pour sa vie. Il joue au bowling avec son gun tellement... dans sa poche à gun. À quoi ça sert une poche à gun, Tommy, s'il n'y a pas de gun dedans? T'as raison, Bruno. J'aime ça quand t'as raison. homme sensible. D'accord. Le gars, man, il est... Tu sais, ça peut pas aider d'avoir un gun sur soi au bowling. C'est quoi tu fais, là? Tu joues au bowling ou... Ou tu traînes ton gun? Les deux, man. Ça se fait les deux. C'est ça. Il fait les deux. C'est lui qui est le plus aux urgences, en tout cas. Latasha Renee Love de Charlotte en Caroline du Nord a appelé la police parce qu'elle s'était fait voler sa boîte de Pop-Tarts. Lorsque la police est arrivée sur les lieux... Attends. It gets better. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a pointé son fils, le désignant comme coupable de cet horrible crime. Selon le rapport de police officiel, elle essayait d'apprendre au garçon un genre de leçon. Ben oui, c'est ça. Ouais. Le garçon non identifié devra se présenter en cour juvénile pour des accusations de vol. Ah ben, sacrement de sti, pour vrai, là, on est rendu que... Là, la maman, qui est la plaignante, va accompagner son enfant au tribunal pour que lui pogne une leçon. Il y a un poste de télé qui a essayé de la rejoindre pour un commentaire. Ça a été accueilli par des sacres. Ben, en tout cas. D'autres nouvelles de Pop-Tarts. C'est ça, hein, on poursuit en Pop-Tarts. On poursuit en Pop-Tarts. Je sais pas si vous vous souvenez de Josh Welch, le garçon qui avait été suspendu de son école pour avoir fait une sculpture de gun avec sa Pop-Tart. Ouais, ça me dit quelque chose. L'école avait même mis un psychologue à la disposition des élèves qui auraient été traumatisés par l'événement. Par la Pop-Tarts. Il vient de se faire donner une adhésion à vie à la National Rifle Association. Ben oui, c'est la violette, la tranche de marge. Voilà. Par contre, au lieu de profiter de cette situation comme genre pour amener un vrai gun à l'école, le garçon de 8 ans, qui est pas mal plus intelligent que ça, a vite réalisé qu'il se faisait exploiter, affirmant « Tout le monde me demande toujours pourquoi j'ai fait ça. La vérité, c'est que je sais pas. J'aimerais tellement ça qu'on arrête de me le demander, mais ça va probablement encore continuer pour 45 ans ou quelque chose. » Il a affirmé ne pas savoir ce que la NRA était. Il a donné le certificat de 550$ à ses parents avant de retourner jouer aux jeux vidéo. Un héros, man. À sa manière, un héros. Et finalement, Karen Elaine Harrelson et Gregory Stomberg étaient dans le sous-sol de ce dernier à boire de la bière et à regarder la finale de American Idol. Le couple a commencé à s'ostiner à savoir quel participant devrait gagner la compétition et le résultat fut... inévitablement, une bataille au couteau. Stomberg affirme que Harrelson aurait pris le couteau et l'aurait poignardé au bras et que la bagarre qui a suivi aurait blessé la femme. Harrelson, pour sa part, affirme qu'elle a pris un couteau pour se couper un bout de gâteau et que Stomberg l'aurait coupé au poignet. C'est intéressant, ça. Hein? Elle n'a donc pas eu le choix de le poignarder. Par légitime défense. Moi, je dis qu'il y en a un des deux qui ment. Anyway, les deux ont été arrêtés pour voie de fait. Aucun des deux n'a été gravement blessé. Pour magie toute puissante, en esti. Ben, merci beaucoup, Bruno. Ça t'amène à la fin de tes nouvelles de la semaine. La fin de les nouvelles et la fin de l'émission 70%. Ah, ben, pas tout de suite, parce que comme on a encore du temps. La fin. Je veux que ce soit la fin. Non, non, man, check bien comment que j'ai trouvé une toune de. Tu connais Insane Clown Posse? Comment que c'est des reels? Est-ce que c'est la fin de l'émission? Non, non. Tranquillement. En fait, j'ai deux clips que ça me tente de passer avant la fin, mais sinon... Tes clips sont plus importants que moi. Ben... Va-t'en pas, Bruno. C'est correct. Je refuse de travailler dans ces conditions-là. Puis tu vas voir, j'en ai un beau de Ryan Lochte avant, tu vois. What am I not doing? Okay. You know, I think... I'm a lot different than any other kind of Olympian. I like to go out and have fun, like to go dancing, hang out with my friends. Oh, Ryan, come on, let's be real. This show was invented to pick up women. We're looking at video of you, and you're out, you're having a good time. So how are you doing this and training? My philosophy is if you're a man at night, you got to be a man in the morning. So Ooh. If I go out all night and I go dancing and I'm drinking, you know what? I still have a job to do and I still have a goal to do. I like that. I have a feeling my co-host, that's what you live by, right? If you're a man at night, then you got to be a man in the morning. Is that bothering you to have the cameras following you around everywhere? Or are you getting used to it? I'm getting used to it. And yeah. I mean, the first couple of days, it was a little weird. Yeah. I was brushing my teeth and the camera was there. And I was like, what are you guys doing? They go to the bathroom? I thought the bathroom was off limits. On reality shows, they follow you into the bathroom? So you have to tell them what you're doing. Well, I guess there's a mirror with a sink and then you have the bathroom. So right. And he's not going over the area. Gotcha. Yeah. Anyway, well, I look forward to watching what would Ryan do. He's into water sports, but that's ridiculous. Okay, Ryan, good luck to you. We'll be watching. Thank you. Seriously, how are they going to get enough material? What was the question that stumped him? What a woman can say. Oh, what a woman can say. I guess silence impresses him. No, it's just a woman couldn't say anything. He is good looking. I need to eat some oatmeal on that. You're so going to get jumped. Wait, seriously, how are they going to put together like 13 weeks of programming? He's so cute. Oh, he is cute. Did you see the plaid? Yeah. You should loosen your tie like that, because that's sexy. It really is. Woo! What did he say? I'm a man at night. What is it? You know, I'm a man at night and a man in the morning. The lash is gonna come off. Look out! We got a lash. We got a lash off. Et voilà, ça fait tout le temps du bien hein, de regarder ça, du monde qui se laisse aller. C'est la fin de l'émission de 70% d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Giz pour sa première, à Boudreau, Bruno, à Steve Bell, Black Flag TV, checkez ça, Caroline qui m'a coupé les cheveux. Et là-dessus, je vous laisse avec une excellente chanson de Insane Clown Posse. C'est des rappers blancs qui sont tellement real qu'ils utilisent des noms de code puis qui sont tout le temps maquillés. Juste après, restant en onde, on va parler du film de la semaine. C'est l'excellent Future Cops avec la petite capsule de Comprendre. Merci. Every day, ocean spanning beyond my sight, and a million stars way above them at night. You don't have to be high to look in the sky and know that's a miracle, open wide. Look at the mountains, trees, the seven seas, and everything chilling underwater. Please, hot lava, snow, rain, and fog. Long neck giraffes and pet cats and dogs, and I've seen 85,000 people all in one room together as equal. Pure magic is the birth of my kids. I've seen shit that I'll shock your eyelids. The sun and the moon and even Mars. The Milky Way of fucking shooting stars. UFOs. A river flows. Plant a little seed and nature grows. Niagara Falls and the pyramids. Everything you believed in as kids. Fucking rainbows. After it rains, there's enough miracles here to blow your brains. I fed a fish to a pelican at Frisco Bay and tried to eat my cell phone. He ran away. And music is magic, pure and clean. You can feel it and hear it, but it can't be seen, can't be seen. Music is all magic. You can't even hold it. Do you notice and recognize miracles? It's just there in the air. Are you a believer in miracles? Pure motherfucking magic, right? This shit'll blow your motherfucking mind. Music is a lot like love. It's all a feeling, and it fills the room from the floor to the ceiling. I see miracles all around me. Stop and look around, it's all astounding. Water, fire, air, and dirt. Fucking fucking magnets. How do they work? And I don't wanna talk to a scientist. Y'all motherfuckers lying and getting me pissed. Solar eclipse and vicious weather. 15,000 juggalos together. And I love my mom for giving me this time on this planet. Take nothing for granted. I seen a caterpillar turn into a butterfly. Miracles ain't nothing to lie. Shaggy's little boys look just like Shaggy. And my little boy looks just like Daddy. Miracles each and everywhere you look. And nobody has to stay where they put. This world is yours for you to explore. It's nothing but miracles beyond your doors. The Dark Carnival is your invitation to witness that without explanation. Take a look at this fine creation.